Salut à tous, c'est l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz ou peut-être sur internet si vous suivez à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr alimenté par mon camarade Redman qui nourrit la bête donc toutes les semaines et également le mixcloud.com/Redman donc pour écouter directement en streaming ou autrement sur le site pour retrouver les podcasts et aussi l'ensemble des playlists depuis l'été 2013. On va démarrer par un peu de pop musique et un groupe pop, plus exactement le pop groupe, voilà donc une blague vraiment totalement pourri pour démarrer l'émission de cette semaine. Le pop groupe, donc le groupe de post-punk légendaire originaire de Bristol entre 77 et le début des années 80, dans lequel officiaient le chanteur Mark Stewart, le guitariste Garrett Sager et le batteur Bruce Smith, qui furent auteurs de deux disques pour le moins mémorables, Y, qui était sorti chez Radar en 79, et le fameux Fort How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder, qui était sorti lui chez Rock Trade en 1980. Un groupe très important à cette époque du post-punk britannique. Ils étaient connectés aux Slits, aux Last Poets, et une partie des membres du pop groupe avait créé par la suite notamment Rip Rigan Panic avec Nene Cherry, ou encore Pig Bag et Maximum Joy. Ils étaient plutôt connectés au croisement de la musique dub et du rock noise industriel, façon Adrian Sherwood du label On New Sound ou encore le légendaire Denis Bovell. Alors, il y a tout juste 4 ans, le chanteur historique donc, de cette formation, Mark Stewart, avait annoncé la reformation du pop group avec trois des membres historiques. Et c'est chose faite, donc Bruce Smith et Garrett Sager ont reformé le pop group avec donc Mark Stewart, et leur tout nouveau disque devrait bientôt sortir en début d'année 2015, le 23 février très exactement, sous le titre Citizen Zombie. On devrait donc beaucoup parler d'eux à l'occasion de la parution de ce nouvel opus plus de 35 ans après leur début. En attendant, on peut donc se délecter pour les fêtes de fin d'année de la sortie d'une compilation de raretés et live datant de la fin des années 70 sous le titre Cabinet of Curiosities, ou encore de la réédition également sortie cet automne du faux troisième album du pop group, le fameux We Are Time, qui était un semi-bootleg de titres enregistrés en concert, de démos et d'inédits, qui revoit le jour donc à l'identique en vinyle. Ce florilège We Are Time qui va démarrer l'émission L'Asile le plus sûr avec le titre liminaire Trap. Mesdames et messieurs, le pop group dans L'Asile le plus sûr. Snap my skin, tap. Still got the same cage. Rip my low cage. Now the sample's in. Snap my skin, still got the same. Tell the problem, now the sample's in. Snap my skin, still got the same. Tell the problem, now the sample's in. Tap. Snap my skin, tap. Still got the same cage. Tell the problem. Only death will release you cage from the chair of freedom. Lies is the flesh, kick and stick like a tomb. Only death will release you from the chair of freedom. Lies is the flesh, kick and stick like a tomb. Only death will release you from the chair of freedom. Trap. Lies is the flesh. Trap. Kick and stick like a tomb. Cage. Only death will release you cage from the chair of freedom. Candyman. The Candyman can. The Candyman. Oh, the Candyman can. The Candyman can, cause he mixes it with love. Makes the world taste good. It makes the world taste good. Une séquence pour se chauffer ou se réchauffer et attaquer l'émission avec tout d'abord le pop group, le retour du gang de Mark Stewart avec un extrait de leur démo de 1978 qui se retrouvait sur le disque qui était sorti au tout début des années 80 à peu près à l'époque de la dissolution de cette formation We Are Time qui vient tout juste d'être réédité par la belle Freak Air Us, réédité en version bien évidemment remasterisée et en pochette vinyle et disque vinyle comme à son origine. Tout ça pour patienter en attendant la sortie de leur Citizen Zombie qui est très attendu donc pour le mois de février. On devrait donc beaucoup entendre parler du pop group début 2015 et c'était enchaîné avec une sucrerie, le morceau Candyman, pour bien préparer les fêtes, le retour là du groupe Primus and the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble. Donc le huitième disque en date qui est sorti lui aussi cet automne du combo californien le plus zapaïen. Toujours mené par le bassiste-chanteur Les Claypool. Il est sorti chez According to Our Records, ATO Records. Et on y retrouve, en plus de l'âme damnée de Primus Les Claypool, deux membres historiques, Larry Lair Lalande, guitariste qui a démarré à la fin des années 80, de même que son collègue batteur Tim Herb Alexander, qui lui n'avait pas joué au sein de Primus depuis 1995. Donc un disque disque qui est complètement inspiré du fameux roman Charlie et la chocolaterie, qui a été porté à l'écran à plusieurs reprises, notamment par Mr. Tim Burton. C'est un roman de Roald Dahl, donc un disque plutôt narratif, comme souvent pour les projets de Les Claypools, les siens propres ou au sein de Primus. On va continuer avec là un projet plutôt orienté post-psyché. Là encore un Californien, en la personne de Stephen R. Smith, qui est très actif depuis une bonne vingtaine d'années du côté de San Francisco, notamment au sein des formations Mirza ou autres Tuja. Il a aussi pas mal produit en solo, notamment sous les alias Alastrana, Ulan Cole ou encore Ulan Passerine. Et depuis quelques mois, depuis 2 ans à peu près, il sort des choses sous le nom de Ulan Marcor avec un H. Il avait déjà signé un disque chez Soft Abuse, label de Minneapolis, qui documente régulièrement sa musique sous ce projet. Et donc il récidive avec un nouveau vinyle sous le titre Spiral Horns, Black Onions and Al, qui sort donc ces jours-ci, et dans lequel on le retrouve entièrement tout seul. Donc si vous êtes des amateurs du psychédrone expérimental, ceci est pour vous. On écoute Ulan Marcor avec le titre The Natural in Daylight. We'll be right back. une séquence de folk blues américaine, un tantinet hanté qui a démarré avec le projet de monsieur Stephen R. Smith alias Ulan Marcor et son disque Spiral Horns, Black Onions and Al, qui est plutôt du psychédrone expérimental, comme je vous le disais, ce qui est pratique depuis une bonne vingtaine d'années, toujours des disques d'assez belle facture pour ses projets solo. Et c'était enchaîné avec une série, une livraison, on pourrait dire, du label d'Asheville en Californie du Nord, Bathetic Records, qui sort pas mal de choses depuis 5-6 ans. Ils avaient notamment publié l'an dernier l'album assez remarqué d'Angel Olsen. Donc plutôt un label qui se caractérise plutôt par un mélange entre noise expérimental et blues dronesque. On a écouté les toutes dernières sorties de ce label. Tout d'abord le LP Red Moon de Kaetua, qui est le projet solo de la folkeuse Claire Hubbard, qu'on pourrait présenter comme un croisement entre Karen Dalton et P.G. Harvey, mais avec un côté psyché lo-fi nettement plus marqué. Un album très très recommandable, ce Red Moon de Kaetua, C-A-E-T-H-U-A, qui était enchaîné avec le projet Terrors et le disque Ensorcel Crowry, toujours donc chez Bathetic. Donc 233 tours, celui-ci est le projet du chanteur guitariste Mr. Elia Forest alias Loli Gesserit, qui avait sorti des trucs déjà sur ce même label et aussi chez Weird Forest, donc plutôt dans le psyché lo-fi guitare avec un côté assez lugubre sur le titre qu'on écoutait. Deux membres de la scène psyché folk expérimentale qui a encore de beaux jours dans les campagnes outre-Atlantique. On va continuer avec monsieur Ariel Calma, qui est quelqu'un qui s'est fait connaître notamment au sein des groupes Nil et Délire de Camaleon Family, et qui est surtout connu pour ses activités en solo depuis le milieu des années 70 en France, plutôt dans les musiques parallèles et bizarroïdes de l'après 68. Il pratiquait des mélanges entre souffle continu sur divers instruments à vent, couplés à des synthétiseurs, des magnétos à bandes de Revox, tout ça dans un registre très proche de Terry Riley. Il a été aussi plus ou moins l'inventeur d'un style ambiante ethnique plutôt connoté New Age à partir des années 80. On le connaît notamment pour un disque éponyme assez mythique qui était sorti en 1975 sous son propre label Astral Muse Productions, qui a été réédité depuis sous le titre Le Temps des Moissons, notamment chez Beta Lactam Ring Records. Et on s'intéresse beaucoup à lui depuis quelques années. Au printemps dernier, il y a eu la réédition du double Open Like Flute, qui était une série de cassettes, je crois, qui était sortie en 1984, qui ont été rééditées en double LP par Black Sweat Records. Et également donc autour de Ariel Calma, une nouvelle anthologie qui vient tout juste de sortir sous le titre Un Evolutionary Music, qui consiste en des enregistrements datés entre 1972 et 1979, donc entre son retour d'Inde, son job comme assistant technique à l'INAGRM et son disque classique Osmose de 1978. À l'époque, Ariel Kalma produisait une synthèse de sons synthétiques façon Tangerine Dream et autres Klaus Schulze, avec parfois des côtés un peu musique New Age méditative transcendantale. Donc double LP avec pas mal de choses plutôt très recommandables. Par la suite, il a fait des horreurs, voilà, autant le dire. Des musiques vraiment soporifiques New Age, pour ne pas dire pire. Et donc le label qui réédite ses pièces des années 70, qui est un label américain, je crois, RVNG Entitled, a aussi produit un film d'une vingtaine de minutes sur ce curieux personnage qui vit en Australie depuis un paquet d'années. Donc un petit film qui est disponible, où on entend parler de sa musique. C'est disponible sur la toile, sur YouTube bien évidemment, et aussi à partir du site de ce label basé à Brooklyn, RVNG Entitled. Et donc on écoute une petite série de musique d'Ariel Kalma en démarrant avec le titre Chase Me Now. What would you say? What would you say? Thank you. une séquence presque New Age dans les îles le plus sûres qui a démarré avec le retour du messie cosmo-planétaire. Alors il n'a pas construit de mandarome, mais des pièces plutôt assez étonnantes. Ariel Calma et ce double album anthologie de titres entre 72 et 79, un Evolutionary Music sur le label RVNG Intitled, donc moi qui est assez raccord avec un certain intérêt des labels underground vers ce qui se passait du côté du début des années 80, avec un son parfois qu'on pourrait appeler New Age. J'ai eu différentes productions comme ça à sortir ces derniers temps dans les musiques underground, et notamment donc un focus autour de Ariel Calma, dont on a entendu donc une séquence de trois titres pas piqué des hannetons. La compilation est assez audible et plutôt recommandable, même si les titres qu'on a écoutés vous ont peut-être fait un peu rire, notamment Les étoiles sont allumées, voilà, où on se rend compte que avec la méditation on apprend que la terre est rouge comme les poissons rouges. Et donc pas mal de sons synthétiques sur cette compilation, mais aussi ce qu'il produisait plus du côté des musiques un peu ethniques revisitées à la Terry Riley sur instruments avant, à l'image des disques qu'il a pu sortir dans ces années-là entre 75 et 78. Et c'était enchaîné ces titres d'Ariel Calma avec The Charles Bobuk Contraction. Charles Bobuk qui n'est autre que le compositeur qui officie au sein des Residents, avec un nouvel album sorti cet automne sous le titre Roman de la Rose. Alors j'ai découvert ce projet, ce side project des Residents le week-end dernier grâce à monsieur Seven Pines qui m'a fait découvrir sa musique le week-end juste qui vient de se passer. Et donc pas mal de disques qui sont sortis sous cette nouvelle entité un peu parallèle des Residents, qui avait démarré donc en 2012. Il y a un album vraiment fameux sous le titre Cultures on the Moon, qui a un côté plutôt synthétique avec des sons assez cristallins, plutôt entre une musique contemporaine répétitive sur percussions synthétiques et des compositions assez décalées. Il y a eu pas moins d'une demi-douzaine de disques à être produits sous ce nouveau projet Charles Bobuk Contraption, donc présenté par les Residents. Et il y a eu au moins 2-3 trucs à sortir cette année, comme les Américains sont toujours très très productifs, et ce depuis la fin des années 70. Vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte en allant sur un site dédié à la musique de monsieur Bobuk, le Bobuk Bandcamp, qui regroupe pas loin d'une douzaine de productions à écouter récentes de ce projet, et aussi des choses sous le nom des Residents composées par ce fameux Charles Bobuk. On va continuer avec une musique cette fois nettement plus charpentée. Il s'agit d'un saxophoniste que j'ai découvert là aussi très récemment sous le nom de Yori Kretzmer, qui est originaire d'Israël. Il a étudié à Jérusalem, à Tel Aviv, également à Paris, et il vit à New York. Monsieur Kretzmer, qui est très influencé par Albert Ehler et Pharoah Sanders, ça s'entend bougrement, qui vient de sortir le disque Protest Music, enfin c'est sorti plutôt l'été dernier sur Out Now Recordings, qui est la propre marque de disque qu'il co-dirige avec le guitariste Ido Buckelman. Et sur cet enregistrement, il est en compagnie d'une section rythmique du Feu de Dieu en la personne de Pascal Niggenkemper, qui est un jeune bassiste assez peu connu, mais qu'on a pu croiser notamment aux côtés de Simon Nabatov et de Gerald Clever. Et il y a surtout dans ce trio le batteur vétéran Wiesel Walter, des regrettés Flying Luttenbachers, et aussi pas mal de choses, notamment ces dernières années le groupe Cellular Chaos, dans lequel il tenait la guitare, puisque c'est quelqu'un qui est plutôt multi-instrumentiste aussi, Wiesel Walter, mais là il est donc à la batterie, et à la batterie plutôt qui cogne. Alors il y a 7 titres sur cet enregistrement Protest Music de Yoni Kretzmer, pardon, et chaque titre est un mot d'une phrase. Voilà, la phrase c'est This is our very first album together, et on écoute le titre qui démarre, donc le morceau This. Ah! de Power Trio dans la plus pure tradition de la free music, dans le sens qu'Alan Silva donnait à ce mot free, frequency, rhythm, emotion, energy. Tout d'abord, le trio du saxophoniste Yoni Kretzmer avec ce disque Protest Music sur Out Now Recordings, qui est une très belle découverte, même si c'est pas une entrée en matière. Ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'il officie soit en solo, soit dans différents projets. Ce saxophoniste qui est basé à New York et qui joue donc aux côtés de Pascal Nickenkemper à la basse et de Wiesel Walter à la batterie pour cet excellent disque Protest Music, qui était enchaîné avec la musique du trio maintenant classique Peter Broadsman au sax et la section rythmique britannique John Edwards et Steve Noble à la batterie. Classique puisque c'est le deuxième ou troisième enregistrement qu'ils font paraître tous les trois. Celui-ci s'intitule Soul Food Available. Il vient tout juste de sortir sur le label de Lisbonne Clean Feed. Il s'agit d'un enregistrement d'un concert qu'ils avaient donné pour le festival de Ljubljana en Slovénie en 2013. Le premier enregistrement qu'ils avaient sorti tous les trois était sorti sur le label du Café Otto Otoroku. Il s'agissait d'un enregistrement de 2010 dans ce même club londonien. C'était sorti sous le titre The Worse, The Better. Et entre-temps, donc, ils ont sorti, il y a de ça quelques mois, en fin d'année 2013, début 2014, pardon, un enregistrement cette fois-ci avec l'adjonction du vibraphoniste Jason Adasiewicz, un disque plutôt très bon comme toujours pour ces trois musiciens. On va continuer avec le retour d'un autre vétéran des free music. Il s'agit de Sonny Simons, saxophoniste qui a démarré dans les années 60, notamment au sein de projets de Prince Lacha, également aux côtés de Elvin Jones et Jimmy Garrison, les musiciens de Coltrane. Et puis il a commencé une assez longue carrière qui a eu aussi des hauts et des bas. On a pu écouter notamment deux excellents disques qui étaient sortis sur le label ESP en 1966 et 1968, notamment Staying on the Watch. Alors il a côtoyé pas mal de musiciens depuis une petite cinquantaine d'années, donc je vais évidemment pas vous les faire toutes. On l'avait retrouvé aussi au début des années 2000 avec le projet The Cosmo Somatics, qui ne doit plus exister, dans lequel il officiait aux côtés d'un autre saxophoniste, Michael Marcus. Alors sa carrière a des hauts et des bas. Il a été SDF, il a dû connaître la drogue comme pas mal de musiciens de la communauté noire américaine du jazz, et comme beaucoup de ces musiciens, il a fait le grand saut, il a traversé l'Atlantique pour s'établir à Paris, où il vit depuis quelques années. Et donc là on le retrouve avec un disque aux côtés de jeunes musiciens français totalement inconnus au bataillon en ce qui me concerne, notamment le bassiste Thomas Bélier et le batteur Sébastien Bismuth. Donc des musiciens totalement inconnus au bataillon, comme je disais, mais qui apparemment donc produisent des choses au sein de formations telles que Abrahama et Black Earth Shuja. Ils sont rejoints aussi par un sitariste qui répond au nom de Michel Christophe. Donc c'est un disque plutôt de musique rock et ethno-jazz, cet enregistrement Nobadic de Sonny Simons et le projet Moshka Samyazin. Ça a un côté aussi un peu musique indienne, des très longues pièces avec des côtés sitar et aussi électronique. C'est sorti sur un excellent label que je ne connaissais pas non plus par ailleurs d'ailleurs, qui est un label finnois, le label Svart, avec une très belle pochette qui fait beaucoup penser aux disques des années 70 de Miles Davis. On va écouter une longue pièce extraite de ce disque de Sonny Simons, l'album Nobadic, et donc le titre qui démarre ce disque de Sonny Simons en compagnie de ses jeunes musiciens français. excellente fusion entre jazz, modal, musique indienne et free rock, extrait de ce disque qui marquait la rencontre entre Sonny Simons et Moshe Samyazin. Le disque nomadique sorti sur le label finnois Svart il y a de ça quelques semaines, donc bon, qui fait un peu retour vers des disques qu'avait sorti ce vétéran du free au début des années 70, notamment un excellent disque qui s'appelait Burning Spirits, qui avait des accents un peu comme ça de musique free et aussi ethnique très très abouti. Donc Sonny Simons qui ne rechigne pas sur le fait de jouer avec des jeunes musiciens. Je crois qu'il y avait eu une rencontre avec Zombie il y a de ça quelques un an et demi, et donc là il était aux côtés notamment de l'excellent bassiste Thomas Bellier et du batteur Sébastien Bismuth, ainsi que le sitariste Michel Christophe sur ce disque donc nomadique. D'ailleurs des musiciens que vous pouvez retrouver sur un coffret sous le titre Living Knowledge, Wisdom and Brilliance, Chasing the Bird, publié par Improvising Beings un peu plus tôt cette année, plutôt en début d'année. C'était un coffret 8 CD dans lequel on retrouvait Sonny Simons aux côtés notamment d'Anton Mombin ou de Aka Bondage, et également des membres de cette formation qu'on écoutait juste avant, Moshe Samyazin. Voilà, l'émission L'Asile le plus sûr est quasi terminée. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette playlist et du podcast ainsi que celle des précédentes éditions sur le site asile35.blogspot.fr. On va se retrouver la semaine prochaine pour un programme spécial Noël, bien évidemment, mais on se quitte avec un tout dernier album, un disque de Monsieur Janet Schaeffer, qui est un Britannique qui œuvre dans l'installation sonore, donc un plasticien sonore assez connu pour ses performances sur disque vinylique, qui vient de faire paraître coup sur coup deux albums sur le label de monsieur Mark Richter et sa marque de disque Decorder, monsieur Black To Come, qu'on écoutait il y a de ça une quinzaine. Et donc Janek Schaeffer a fait paraître deux disques assez différents, l'album Inner Space Memorial in Wonderland, qui est plutôt deux pièces de 20 minutes de texture bourdonnante avec des choses empruntées à des installations sonores, et le disque Unfolding Luxury Beyond the City of Dreams, que je propose pour terminer, qui contient 7 morceaux de musique ambiante assez délicate, avec comme toujours pour Janek Schaeffer un travail sur les surfaces vinyliques. On écoute le titre Coda pour terminer L'Asile le plus sûr. Je vous souhaite une excellente nuit et une bonne semaine. À bientôt.